Bonsoir à tous. Ce soir, nous partons en roue libre, ce qui n'est pas trop mal finalement dans ces périodes où on a tous besoin de partir un peu dans tous les sens, mais aussi de revenir aux trucs qui font du bien, genre l'enfance, ou de s'imaginer confiné non pas chez soi, mais sur d'autres planètes. Alors on vous demande pas de manger des tartines de Nutella en mangeant des Haribo pour autant, mais on aura un peu de cet esprit dans l'émission de ce soir. Johan va nous ramener à ses dimanches après-midi passés à rêver, en lisant des petites encyclopédies de la nature et à s'émerveiller de ce qu'elle nous offre. Pour s'évader de nos logements dans les meilleures conditions, Cléora partagera avec nous de vraies expériences de confinement avec un invité surprise, qui a pu expérimenter des simulations de vie sur d'autres planètes. Pierre et Lise Kerner nous proposeront une belle histoire avec un nouvel épisode de leur super chronique Not Just the Wife. Et enfin, Eléa répondra au quiz qui vous tient en haleine depuis plusieurs semaines sur les pois chiches. Nous sommes le mercredi 15 avril de l'an 2020, il est 20h30. Venez vous évader avec nous dans Podcast Science. Alors ce soir, c'est moi, Alexa, qui ai l'honneur de vous présenter cette émission, en confinement un peu moins strict qu'en France depuis Los Angeles, avec Johan, confiné à Paris. Salut. Cléora, confinée depuis pas loin de Rouen. Salut à tous. Notre invité, Jérémy Auclair, confiné à Toulouse. Salut à tous. Et Léa, confinée à Strasbourg. Salut tout le monde. Pascal, confiné en Alsace. Salut tout le monde. Tube, qui est confiné à Barcelone et qui a des navets à vendre. Salut. Et Topo, confiné à Paris. Confié à Paris. Au sommaire de cette émission, qui est donc une émission de roue libre, on aura plusieurs chroniques aujourd'hui. On aura d'abord une chronique de Johan sur le magazine La Hulotte. Ensuite, une chronique de Cléora sur la recherche autour du thème du confinement avec l'apport de l'expérience et connaissance de Jérémy Auclair. Une nouvelle chronique de la fameuse série Not Just the Wife par Élise et Pierre Kerner et la réponse au quiz du moment par Eléa. Donc réfléchissez encore au pois chiche si vous n'avez pas eu le temps de le faire. Alors, Johan, c'est à toi. Salut. Connaissez-vous la Hulotte ? Pas la mignonne petite chouette nocturne, la revue naturaliste. Débutée il y a bientôt 50 ans par Pierre Déon. Un jeune instituteur des Ardennes, cette petite revue plus ou moins semestrielle compte maintenant 109 numéros. C'est assez peu, mais quand on sait que tout le travail d'écriture et les minutieux dessins sont encore réalisés par une seule et même personne, c'est assez impressionnant. Et donc depuis les premiers exemplaires en 1972, encore appelée la Hulotte des Ardennes, et distribuée à quelques centaines d'exemplaires, cette irrégulomadaire, selon le beau mot de son auteur, est maintenant diffusée à plus de 150 000 exemplaires dans le monde entier, uniquement sur abonnement. Il s'agit d'ailleurs, selon la formule consacrée, du journal le plus lu dans les terriers. Et donc c'est un journal qui a un humour assez touchant, avec de la personnification de ses sujets, et une assez bonne rigueur scientifique, à chaque numéro se consacrant à un unique animal, qui n'est souvent pas le tigre du Bengale ou le diable de Tasmanie, mais plutôt les très communs escargot des haies ou martin pêcheur. Certains numéros sont bien sûr aussi consacrés aux plantes, comme le gui ou les épicéas. Et le journal a ses adeptes, réabonnés fidèlement tous les 3 ans depuis 50 ans. Et beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, en ont feuilleté enfant chez un parent ou un ami. Vous le savez, le genre d'ami avec qui on revient d'une balade en forêt avec 3 anecdotes amusantes sur les feuilles de chêne. Et donc, pourquoi je vous en parle ce soir? Parce que ça fait... donc, c'est déjà pour leur faire un petit peu de pub, pour que vous courriez vos abonnés. Mais il faut bien reconnaître que la Hulotte est nettement plus connue dans les terriers que ne l'est Podcast Science. Mais aussi et surtout parce que j'ai un petit projet qui me trotte dans la tête depuis un moment et qui me vient d'une constatation générale. Avez-vous déjà vu une chouette hulotte? Et si vous êtes aussi citadin que moi, c'est pas sûr, en tout cas pas depuis très longtemps. Par contre, il est assez probable que vous l'ayez déjà entendu. Et donc c'est le « hou hou » que vous entendez dès qu'on sort des villes en soirée. Et en fait, je me disais que c'était une très bonne idée d'utiliser le média du podcast justement pour essayer de faire écouter les sons de animaliers, donc en particulier en tournant autour de la hulotte. Et donc c'est comme ça que je commence cette nouvelle chronique sur les roues libres. Donc je reprenant certains des numéros que j'avais beaucoup aimés dans mon enfance et en y ajoutant des sons. Et donc, on commence tout de suite par un petit extrait d'un numéro de 1984, et je vous invite, en écoutant l'animal, à essayer de le reconnaître. Connaissez-vous le docteur Toutou ? Comment ça, non ? C'est un petit médecin de campagne discret et serviable comme pas deux, uniquement préoccupé d'aider son prochain, et surtout sa prochaine, ne ménageant pour cela ni son temps ni sa peine, et ne demandant jamais un centime de rétribution en récompense de ses talents. Bref, une véritable espèce en voie de disparition. Pourtant, avec un peu de chance, il n'est pas impossible que cet excellent homme habite encore près de chez vous. Comment en avoir le cœur net ? Facile. À la nuit tombée, entre le mois d'avril et le mois de septembre, sortez de votre maison. Éloignez-vous un peu du tohu-bohu des voitures et de la rumeur des postes de télévision. Et, bien assis, sur un muret ou sur un talus, tendez l'oreille du côté de la rase campagne. C'est l'heure où, dans l'obscurité, les tympans en alerte et les yeux écarquillés, on détecte des cris étranges. Le miaulement, lointain, d'une chouette chevêche, là-bas, dans les grands saules têtards. Le bruissement lancinant et métallique des régiments de sauterelles, de grillons, de locustes et autres courtières, disséminés par myriades sur les herbes de la prairie. Et puis tout à coup, au loin, sur votre droite, du côté de l'ancienne sablière, un brutal tintamarre, des dizaines de mitraillettes qui, ripostant à une première rafale isolée d'armes automatiques, se mettent à tirer furieusement dans le silence de la nuit. Ce crépitement effréné, ce n'est pas comme on pourrait le croire un nouvel accrochage entre le Front Libération de la Seine-et-Marne et les troupes gouvernementales, c'est le concert offert gracieusement par une colonie de batraciens. Seuls les crapauds, allez-vous penser, peuvent émettre d'aussi vilains cris. Erreur profonde. Les maquisardes qui jacassent ainsi avec des voix de Kalachnikov enrouées ce sont en réalité les plus jolies, les plus menues, les plus féminines de nos petites grenouilles, les rainettes vertes. Elles chantent, étalées dans l'eau, ou bien, plus souvent encore, percées dans les branches et sur les feuilles des sols, où elles se maintiennent solidement grâce aux petites ventouses que la nature a eu la bonne idée de leur coller au bout des pattes. Mais maintenant que le tumulte des armes s'est éteint, ou si soudainement qu'il avait commencé, voici que votre attention se trouve attirée par un petit son de flûte des Andes, mélancolique et doux, qui semble surgir de l'herbe à quelques mètres devant vous. Après ces terribles guérilleros, qu'il est plaisant d'entendre enfin un écologiste. Intrigué, vous vous levez, et vous marchez avec précaution dans sa direction. Ça alors, à mesure que vous progressez, ne dirait-on pas que le joueur de pipeau recule d'autant, sans cesser de pousser sa note? Toujours la même, à intervalles réguliers de 10 à 12 secondes, tel un robinet mal fermé et qui laisse tomber l'eau goutte à goutte. Et du reste, est-il tellement certain qu'il soit devant vous ce musicien fantôme ? Plus vous y réfléchissez, moins vous êtes prêt à le jurer. Le son pourrait tout aussi bien venir de votre droite ou de votre gauche. Tour à tour, proche et lointain, on dirait qu'il remplit l'espace. Mais voilà du nouveau, un sugo flutio répond au premier. « Ré » sifflait le premier, « Mi » fait le second. Puis un troisième se met de la partie. Lui ne sait jouer que « Do ». Et c'est l'avalanche. En voici un quatrième, un cinquième, tout un orchestre bientôt de joueurs de canard. D'accord, leur partition est un peu plate. Ils ne connaissent chacun qu'un seul et traître son, et leur gamme ne comporte, en tout et pour tout, que trois tons. C'est peu, mais en se répondant, en se chevauchant, en se faisant teinter alternativement leurs perles sonores, claires et limpides comme les notes d'une petite carillon de cristal, ils réussissent à remplir l'air nocturne d'une paisible mélodie rustique, joyeuse et triste à la fois, comme ces ritournelles naïves des moulins de musique que font tourner les enfants. Au fait, qui sont ces musiciens ? À la campagne, on les baptise d'une foule de petits noms chantants. Les babis, les clou-clou, les do, les gouglins, les tout, les petits bus, les tout-tout, les clouks, et Dieu sait quoi encore. Tout cela sans savoir le moins du monde s'il s'agit d'oiseaux, d'insectes, ou je ne sais quelle autre créature. Or, de même que l'auteur des effrayantes rafales de tout à l'heure s'était avéré être, tout compte fait, la plus jolie des grenouillettes, une surprise de taille nous attend. Ce joueur de flûte clandestin qui réussit à tirer de son instrument des sons si cristallins appartient, lui, à un genre les plus détestés de la Terre. C'est un crapaud, un petit batracien aux formes lourdes, au teint terreux et à la peau boursouflée de verrues. Les savants l'appellent halite, mais on le connaît surtout sous le nom de crapaud accoucheur. C'est le docteur Tout Tout. Ok, merci. Donc voilà, c'était un extrait du numéro 53, premier semestre de 1984, sur donc le crapaud accoucheur. Et donc je voulais remercier aussi la chaîne YouTube Bruitix, sur laquelle j'ai piqué pas mal de sons animaliers, ils en ont plein. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, je voulais pas vous laisser sur votre faim, je vous donne quelques explications sur pourquoi est-ce qu'on l'appelle le crapaud accoucheur. En fait, son chant sert à attirer la femelle quand elle est pleine d'œufs. Ensuite, il va se placer sur elle avec ses grandes pattes et il va lui masser le ventre pendant plusieurs dizaines de minutes pour faire sortir les œufs. Et la cinquantaine d'œufs pondus sortent attachés par une longue ficelle visqueuse qui va s'emberlificoter donc sur les pattes du mâle accoucheur. Et il va ensuite alors les féconder puis les garder littéralement dans les pattes, les œufs, pendant 3 semaines. Et d'ailleurs, si une autre femelle quelques jours après a aussi besoin de ses services, il peut même choper une deuxième progéniture, le maximum atteint étant, donc en 1984, il parle de 102 œufs portés par un seul mâle. Et ainsi, après 3 semaines où il couve les œufs, il va les relâcher dans un étang pour qu'ils deviennent des têtards. Bon, je vous en dis pas plus, si vous voulez aller lire l'épisode, je vous en prie, ils sont achetables sur le site. Et puis, si ça vous plaît, j'en referai d'autres avec d'autres sons, d'autres épisodes. Voilà. Et du coup, Cléora, je te laisse passer à ta chronique. Ouais. Alors moi, je vais parler un peu confinement. Encore, vous allez me dire. Ouais, parce que bien qu'en ce moment, ce soit un mot l'un des plus entendus dans l'actualité, j'aimerais m'y pencher, mais cette fois-ci du côté de la science. Je me suis posé la question de savoir si une science du confinement existait. Alors tout d'abord, tentons d'être précis sur les termes. Étymologiquement, le terme de confinement sous-entendrait spécifiquement de se restreindre à des frontières. On peut alors être confiné dans son domicile, comme actuellement, mais également confiné dans un pays ou confiné dans une chambre, tant que les frontières sont délimitées. Un proche synonyme qu'on y trouverait serait la réclusion. C'est-à-dire que le fait d'être un ermite, d'être solitaire, d'être isolé, de tout, voire totalement seul et autonome. Pourtant, quand on parle de quelqu'un qui est reclus, la frontière n'est plus physique et concrètement marquée, mais plus sociale et psychologique. Si on veut résumer de ce que je veux dire et souligner, en une seule phrase, ce serait un reclus est avant tout socialement isolé, alors qu'un confiné est avant tout physiquement isolé. Ainsi, en ce moment, nous expérimentons tous un isolement physique. Mais des lieux physiquement isolés, expérimentés par les humains, ça existe déjà. Les témoignages des expérimentés de ciels confinés fleurissent sur les médias. Les sous-mariniers, par exemple, délivrent leurs paroles en soulignant que les conditions ne sont pas si extrêmes. Au moins, on a toujours Internet, on peut regarder des séries entières, profiter du soleil ou écouter les oiseaux. On ne vit pas 72 jours au fin fond de l'océan, sous une lumière artificielle où les seuls bruits de la nature sont les peines de votre voisin. On peut également penser aux prisonniers, qui sont d'ailleurs tout aussi touchés par des restrictions en plus de leurs conditions actuelles. Ou encore les astronautes, tout aussi isolés, mais qui ont, eux, potentiellement une meilleure vue que les sous-mariniers en plus d'avoir la lumière du soleil. Et vous, vous êtes isolé où? Seul dans une maison de campagne avec un jardin ou dans un appartement de 12 mètres carrés avec 4 gamins? En bref, on ne vit pas tous la même manière ces événements, ça c'est sûr. Mais comment l'étudier scientifiquement, en fonction de toutes les variables à prendre en compte? Est-ce que des études scientifiques existent sur l'isolement ou le confinement? La réponse est oui, et on va prendre un exemple français. Partons pour Toulouse. Toulouse, vous savez, la ville de la cité de l'espace. Eh bien là-bas, il y a l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, dans lequel une certaine enseignante-chercheuse du nom de Stéphanie Lizy-Détré étudie justement les questions autour du confinement. Et plus particulièrement du confinement lors de missions spatiales habitées. Oui. Des études simulent ce qui pourrait arriver au niveau psychologique lors d'une mission de plusieurs semaines, que ce soit sur Mars ou sur la Lune. On étudie par exemple la détresse psychologique avec une anxiété augmentant en flèche, les problèmes de relations sociales ou les performances vis-à-vis de leur mission. Afin de mener ce genre de recherche, Stéphanie-Élise Détré, avec Raphaël Roy, notamment spécialisée en neuroergonomie, ont mis en place un certain protocole, le dispositif Téléop. Téléop pour téléopération, c'est-à-dire le fait de réaliser des tâches à travers des manettes comme commander un robot à distance par exemple. Le principe est simple, on simule une mission sur Mars de manière la plus réaliste possible, avec confinement et tout ce qui va avec. Donc, le paysage et la géologie sont imités et on utilise par exemple le désert de l'Utah dans lequel on se recroirait sur la planète rouge. Toujours pour plus de réalisme, les communications sont décalées pour simuler les distances entre Mars et la Terre et l'équipage porte une combinaison avec scaphandre. Dans ces conditions, on étudie plusieurs variables, qu'elles soient comportementales ou physiologiques. Côté physiologie, on mesure la tension oculaire ou le rythme cardiaque par exemple, avec en plus un intérêt particulier à porter sur le sommeil, dont les cycles du sommeil ou encore les horaires du lever et du coucher, en les notant dans un journal de bord. Enfin, la dégradation du sommeil et du cycle circadien, donc le cycle circadien voulant dire cycle biologique du corps ou l'horloge interne si vous voulez, donc la dégradation du sommeil et du cycle circadien sont des éléments primordiaux qui se dérèglent en premier. Dans ce journal de bord sont aussi notées les sorties, les interactions sociales, l'alimentation et tout un tas de tâches quotidiennes pour notamment illustrer les variations de la motivation au cours du confinement. Enfin, côté données comportementales et psychologiques, on mesure d'une part l'état émotionnel à travers des questionnaires, dont l'anxiété et les modulations de l'humeur, et d'autre part, les performances cognitives à travers, par exemple, des tâches visuelles ou de mémorisation. Alors, pourquoi je détaille autant ce protocole? Parce qu'en ce moment, ce même dispositif Téléop est étudié sur 80 étudiants français actuellement confinés, comme nous tous, hein, dans une chambre de 2 mètres carrés. Bon, c'est pas exactement le même protocole aussi, hein. Il est un peu plus allégé, car il n'y a pas de sortie spatiale ou scaphandre sur un terrain similaire à Mars, ni de pilotage à rover, par exemple. Mais le principe d'être cloîtré ou confiné reste le même. Si ce n'est, comme soulignent les chercheuses, le fait de ne pas avoir une date de sortie véritablement fixe ou le fait de ne pas être volontairement confiné, contrairement à un équipage lors d'une mission à durée déterminée. Sur cette expérience actuelle, les chercheuses de Toulouse notent déjà des premières tendances. D'une part, donc, comme je l'ai dit, une dégradation du sommeil, et d'autre part, une validation de leur propre théorie où le sujet confiné vit 3 phases psychologiques durant un confinement. Alors, je vais détailler un peu ces 3 phases psychologiques détaillées. Rapidement, donc, tout d'abord, au début du confinement, bien qu'ils aient leurs habitudes chamboulées, les participants sont très dynamiques, motivés et optimistes. Ils recherchent de nouvelles manières à s'organiser. Certainement l'impression de nouveauté et l'excitation de vivre quelque chose d'exceptionnel. Ça, donc, c'est la première phase, connue pour les astronautes comme pour les confinés du monde entier. À l'inverse, la deuxième phase est plus difficile. Pessimisme, critique, colère et engueulade sont de la partie. La moindre contrainte devient pesante et l'environnement social ou la petite horloge qui fait tic-tac peut devenir très ennuyant. Le fait de devoir gérer le stock de nourriture, de trouver le temps long et de ne pas voir le bout du confinement fait augmenter l'anxiété. Enfin, la troisième phase correspond au retour de l'optimisme lorsque la date de sortie approche. Mais en France et d'autres pays, on n'en est pas encore là. Nous sommes en pleine deuxième phase, même si les potentielles dates de fin de confinement annoncent un retour à la normale, comme le 11 mai en France, comme on l'a entendu il y a quelques jours. Ce retour à la normale serait très progressif et reste encore assez flou. Et plus c'est flou, plus c'est anxiogène. Sur tout ça, je me demanderais bien ce que penserait quelqu'un qui est lui-même expérimenté de ce genre de protocole de confinement. Notre invité, qui est également dans cette même école toulousaine sur l'aéronautique et l'espace, a lui-même expérimenté ce genre de dispositif durant son cursus. Il est même allé sur Mars, enfin, sur le Mars du désert de l'Utah. J'ai nommé Jérémy Auclair. Alors Jérémy, merci d'avoir accepté de partager tes expériences sur le sujet. Comme je viens de le dire, tu es étudiant en dernière année d'ingénieur à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Pourrais-tu nous décrire un peu ton parcours et comment remonte ta passion pour l'espace et le vol habité, par exemple? Alors, pour faire simple sur mon parcours, c'est le parcours classique pour les écoles d'ingénieurs, donc les 2 années de prépa et les 3 années d'école. Depuis tout petit, j'étais quelqu'un de très curieux, et donc je me destinais à faire de la science, ça c'était quelque chose de certain. Mais j'étais intéressé par tout un tas de choses, et je me rappelle du moment où je me suis dit qu'il fallait que j'aille à l'ISA Super-Héro. C'était en 2e année de prépa, et je regardais sur YouTube par hasard une vidéo d'un décollage de la navette spatiale. Et je sais pas, il y a eu un déclic, et là je me suis dit, bon bah c'est ça que je veux faire plus tard. Et en arrivant en école, bah, j'ai vu tout le monde qui du spatial un peu qui s'ouvrait à moi, et je regardais toutes les choses qu'on pouvait faire. Et c'est là que le vol habité, je me suis dit que c'était ma voie, en gros. D'accord, donc t'as vu ça sur YouTube? Ouais. Après, d'accord. Tout part d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube. Et donc, durant ton parcours, tu avais plusieurs expériences du type dispositif Téléop, donc que je viens d'introduire juste avant. Donc, deux fois sur la fausse planète Mars dans l'Utah. La première en tant que biologiste d'équipage, en ce que tu me dis. Et la deuxième en tant que commandant d'équipage. Donc, j'imagine qu'elles font partie de tes meilleures expériences vécues jusque-là. Alors, ouais, c'était des expériences uniques. Vraiment, il n'y a pas d'équivalent. Et très enrichissant, tant sur le point, le point académique. J'ai appris plein de choses en préparant ces missions. Il faut savoir que nous, c'est des missions qu'on prépare sur un an avec l'équipage. Donc, c'est des équipages de 6 à 7 personnes, où en général, il y a un ou deux vétérans. Et on trouve les financements tout seul, on fait toute la logistique tout seul, on établit notre planning, donc on a de l'aide extérieure. Mais le gros du boulot, c'est nous qui le faisons. Et donc, d'un point de vue académique, gestion de projet, on a appris énormément de choses. Et après, il y a aussi tout le côté humain qui est très enrichissant, avant, pendant et après. Moi, j'ai appris énormément de choses sur les interactions sociales, les interactions de groupe dans des conditions un peu difficiles, comme elles sont pendant le confinement. Moi j'ai appris énormément de choses sur moi, sur les autres, sur comment bien gérer ces petites dynamiques de groupe qui peuvent être parfois complexes dans des situations comme ça. Mais j'en garde des souvenirs insensés. Donc les deux fois où je l'ai fait, c'était deux expériences très différentes, même si c'était au même endroit, mais des souvenirs inoubliables. Et ouais, j'ai appris des choses que j'aurais pas pu apprendre ailleurs. D'accord. Donc en fait, c'est une sorte de travaux pratiques sur le long terme en fait. Faudrait un an pour le faire. Et tu restes combien de temps? 3 semaines à peu près? C'est ça, à peu près 3 semaines dans la station. Et donc, c'est 3 semaines qui passent extrêmement vite, parce qu'en fait, on a prévu plein de travail. On a beaucoup, pendant l'année, démarché des labos et des chercheurs pour avoir en fait des expériences scientifiques à amener là. On va pas juste là-bas pour faire l'aventure. Enfin, on y va pour avec du boulot quand même. Et donc, en fait, pendant ces 3 semaines, on sent vraiment les phases que tu as décrites avant. Mais tout va très très vite et on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer parce qu'on a plein de boulot à faire. Ok. Alexa, tu avais une question ? Oui, alors du coup, Cléora a dit que tu avais été par exemple en tant que biologiste d'équipage et là tu viens de parler de ce que tu faisais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce que c'est par exemple biologiste d'équipage ? Alors, c'était biologiste / botaniste. En fait, pour ces missions-là, il y a des rôles attribués, enfin déjà fixés qu'il faut choisir quand on constitue un équipage. Du type, bon, il y a un commandant qui est généralement un vétéran, et puis il y a quelqu'un qui va être un peu le médecin ou quelqu'un qui va être l'ingénieur. Et en fait, c'est assez artificiel parce que nous, on était un équipage complètement de l'école super-héros, donc des ingénieurs. Mais le biologiste / botaniste, lui, il va plutôt s'occuper de la serre. Donc sur la station, il y avait une serre avec des herbes aromatiques et quelques trucs pour manger. Et du coup, moi, mon rôle, c'était de m'occuper de cette serre pendant ces 3 semaines. Donc c'est faire les récoltes, replanter les graines et puis s'occuper des plants un peu pendant leur croissance. Ok. Et donc oui, donc t'as déjà parlé aussi un peu de tes ressentis, mais selon toi, est-ce qu'on peut faire un rapprochement ou une comparaison avec le confinement que chacun de nous vivons actuellement aussi, ou pas du tout? Alors on peut faire quand même certains rapprochements. Faut savoir là-bas, on est un peu plus isolé. Donc c'est plus une situation d'isolement que de confinement. Parce que bon, on est confiné, donc faut savoir la station, le hub qu'on appelle là où en fait on vit, c'est un cylindre qui doit faire 8 mètres de diamètre et on est 7 là-dedans pendant 3 semaines. Donc c'est quand même assez, on est assez petit, on est tout le temps les uns sur les autres, donc de ce point de vue-là, on est confiné, c'est sûr, mais on a quand même le droit de faire des sorties, ce qu'on appelle les sorties extravéhiculaires, donc comme les astronautes font aujourd'hui dans l'ISS, donc on s'équipe. Avec le scaphandre, on a un gros backpack avec des batteries, des ventilos. Et donc le tout fait 15-20 kilos et on fait des sorties. En fait, on est complètement emmitouflé avec nos combis, tout ça. Mais on voit quand même un peu l'extérieur. Donc c'est un confinement qui est un peu plus léger que par exemple ce que les astronautes vivent dans l'ISS. Par contre, on est vraiment isolé parce qu'on n'a pas Internet, on n'a pas le téléphone. Et donc en fait, on passe les 3 semaines, tous les 7, seuls. Et on échange quelques mails avec ce qu'on appelle le centre de contrôle. Donc c'est l'histoire de qui eux ils checkent les plannings, on fait des demandes pour faire des sorties ou des activités particulières, et ensuite ils valident les demandes. Mais c'est un peu les seules interactions qu'on a avec d'autres êtres humains que ceux qui sont dans la station. Et donc là ça devient un peu, ça peut vite devenir difficile de garder un équipage soudé et qui fonctionne correctement. Donc on peut faire des rapprochements avec le confinement que certains d'entre nous vivent. Comme tu l'as dit, il y a des situations très différentes. Les personnes qui sont seules ou les personnes qui sont à plein dans des petits appartements. La grosse différence, c'est que bon, 3 semaines, c'est quand même assez court. Et en fait, on va là-bas, on a un but très précis, on l'a préparé 1 an. Donc on sait tout ce qu'on va faire, on a un planning où chaque heure, on sait qui doit faire quoi. Et donc en fait, c'est vraiment une... Voilà, on y va avec un but précis, c'est une aventure très très intense, très forte, pour laquelle on s'est beaucoup préparé. La différence avec le confinement qu'on a ici, c'est que bah personne l'a vraiment choisi, c'est imposé. C'est un peu flou. Là, bon, maintenant, il y a une date du 11 mai, mais pendant pas mal de temps, on savait pas trop quand on allait sortir. Donc, il y a quand même des grosses différences de ce point de vue-là, qui sont que, il y a plein de gens. Moi, par exemple, j'ai fini les cours, j'étais censé commencer un stage, donc c'est reporté. Bon, je suis confiné, j'ai pas grand-chose à faire. Et donc, ça peut être, c'est très différent de ce point de vue-là, parce que on n'a pas forcément des activités qui nous sont données ou autre. Donc il y a des rapprochements à faire, bien sûr, mais l'isolement est quand même léger, parce qu'avec internet on peut facilement communiquer, faire des Skype, et donc en fait c'est surtout le confinement, le fait qu'on on reste beaucoup chez soi, on a peu de stimuli pour le cerveau, on se balade moins, qui peut être difficile. Ah, parce que l'équipage à chaque fois il a des certaines missions scientifiques à faire à chaque fois, tous les jours. C'est ça, ouais. En fait, chaque personne va avec des expériences scientifiques. Donc, il y a pas mal des choses sur les facteurs humains. Donc, en fait, de voir comment le confinement, l'isolement et une situation un peu intense de stress comme ça, comment ça affecte les capacités des personnes à réaliser des tâches ou à communiquer. Et après, d'autres expériences un peu plus ingénieries qu'on a, mais ça, en général, ça requiert pas tout l'équipage. Mais ça fait que sur une journée typique, on a peut-être une heure de pause, mais tout le reste, on a des activités qu'il faut faire, quoi. Ah ouais. Donc j'ai parlé des évaluations comportementales aussi, tout ce qui est scientifique, pour étudier les états psychologiques, émotionnels qui peuvent traverser l'équipage confiné. Mais ce que je me demandais, c'est comment est-ce que c'est concrètement évalué en fait. Est-ce que c'est des tests faits maison ou c'est des tests scientifiques piochés ici et là? Alors en fait c'est des tests scientifiques qui sont alors les facteurs humains, c'est une science qui est relativement neuve quand même. Et qui est beaucoup né en fait de l'aéronautique. Le but étant de s'intéresser à comment l'humain réagit dans des situations un peu extrêmes de stress ou de charge mentale. Et en gros, c'est né des différentes études qui ont été faites de crash aérien. On a vu qu'en fait les cockpits n'étaient pas très bien conçus, et quand il y avait plein d'alarmes successives, les pilotes avaient tendance à se focaliser sur une alarme et pas regarder les autres qui pouvaient être plus graves. Donc de là est née un peu cette science, où le but étant de regarder comment l'environnement impacte la manière dont l'humain va prendre des décisions et va s'occuper de quelque chose. Et donc y a pas mal de méthodes qui ont été développées pour suivre un peu ce côté facteur humain chez les personnes. Nous, ce qu'on utilisait, c'était des questionnaires. Donc il y a des questionnaires qui s'intéressaient à l'effort ressenti pour réaliser la tâche. Donc ça, c'est des questionnaires assez standards de la NASA. Il y a pas mal d'agences comme ça qui ont des questionnaires assez standards, ouais, pour suivre des questionnaires standardisés et normalisés par la NASA, ça que tu dis? Voilà, et qu'on avait un peu adapté, on en avait pioché ici et là, le but étant quand même d'avoir une base, parce qu'en fait c'est des questionnaires qui sont conçus pour ensuite qu'on ait un score facile à lire et étudier. Et donc on avait comme ça quelques questionnaires sur notre état mental avant et après l'expérience. On a pris un questionnaire où on jugeait l'effort que ça avait demandé, un questionnaire où on expliquait comment on sent par rapport à soi-même, par rapport au reste de l'équipage. Et avec de ça, on a aussi des données biométriques. Donc nous, ce qu'on utilisait pour Teleop, c'est un électrocardiogramme et un eye tracker. Et donc c'est deux instruments assez intéressants, parce que l'électrocardiogramme, au-delà de donner le rythme cardiaque, qui est une information qui peut être intéressante, mais pas si intéressante que ça, il donne en fait la variabilité du rythme cardiaque. La variabilité, ça veut dire que on regarde sur une minute, il y a un rythme moyen qui peut être de 60 BPM, mais on regarde surtout pendant 7 minutes, est-ce que localement le rythme a changé ou pas. Et en fait, ça donne une info sur la charge mentale qui est d'une personne. Ça veut dire que si quelqu'un est très très très concentré sur une expérience, donne beaucoup de son attention, le rythme cardiaque va absolument pas changer. Il va rester à 60, il va pas bouger du tout. Alors que si quelqu'un, on lui donne une tâche qui demande peu d'effort, eh ben ça va à 60, ça va être une moyenne de 60, mais ça peut monter à 62, 64 ou 56, et ça peut pas mal varier. Donc l'électrocardiogramme permet de nous rendre compte en fait de l'effort que ça a demandé de réaliser la tâche. Donc ça c'est quelque chose qu'on suit au cours du confinement, voir si avec la durée une même tâche simple devient de plus en plus dure à réaliser par une personne. Et on a ensuite l'eye tracker, enfin donc en français c'est un oculomètre. C'est un capteur, c'est des caméras infrarouges qui regardent ou qui arrivent à suivre le regard d'une personne sur l'écran. Et ça permet de voir en fait les signes de fatigue chez une personne, parce que quelqu'un qui va être plus fatigué va avoir un temps de réaction un peu plus lent du point de vue de la vision, il va avoir tendance à fixer un peu plus certains points pour bien enregistrer l'information. Donc en fait avec ces capteurs, on arrive à bien suivre l'état un peu psychologique d'une personne, mais des choses qui peuvent pas forcément être vu sur un questionnaire, parce que chacun va répondre au questionnaire tel qu'il se sent, mais c'est pas forcément vraiment c'est pas une donnée vraiment réelle et brute. Et donc avec ces questionnaires et ces capteurs, on arrive à bien plus étudier comment le confinement affecte les personnes et à quel point ça change leur manière de faire une tâche identique tout au cours de l'année. D'accord. Merci d'avoir bien détaillé en tout cas. On a quelques questions de la chatroom, plus sur la vie au sein de la fausse base de Mars. Par exemple, est-ce que vous pouvez faire de l'exercice physique concrètement à l'intérieur ou à l'extérieur? Mais alors, on peut faire de l'exercice physique. D'ailleurs, nous, c'est tel qu'on faisait nos plannings. On avait tous les matins à 7h. En fait, on se levait à 7h, on faisait directement 30 minutes de sport. Tous en même temps. Après, c'est tous en même temps. Voilà, c'était une activité à la fois pour garder un peu une forme physique. Parce que quand on est confiné, on reste beaucoup chez soi, on bouge moins. Et c'est aussi, d'un point de vue un peu cohésion de groupe, c'était pas mal de faire dès le matin quelque chose tous ensemble. Et donc on faisait une demi-heure tous les matins. Après, il n'y avait pas de tapis de course, pas de vélo, elliptique ou quoi que ce soit. On faisait des pompes, des abdos, des trucs comme ça, un petit peu de cardio avec ce qu'on avait. C'était vraiment, on avait juste un tapis de sol comme outil. Mais ça permettait de vraiment se rythmer un peu la journée et de faire aussi de garder une activité physique importante. C'est quand même pour le mental, c'est très très très important, surtout pendant le confinement. C'est vraiment important de garder une activité physique parce que ça a des effets sur le mental énormes, ça détend, ça réduit les problèmes de stress, d'anxiété, donc quelque chose qu'il faut pas lâcher pendant le confinement. Et pareil au niveau relation sociale, niveau émotionnel, tu connaissais déjà toutes les personnes avec qui tu étais? Ouais. Donc, c'était la promo, en fait. Alors, la première fois que j'ai fait, c'était ma promo avec deux personnes de la promo d'au-dessus, qui ont déjà fait une mission avant. Parce qu'il fallait, il fallait des vétérans. Et donc, en fait, on se connaît pas mal et ça facilite pas mal ce genre de mission parce qu'on a passé un an à préparer la mission. On se connaît, on sait comment chacun travaille, on connaît les faiblesses, les forces. On sait comment communiquer. Donc, ça fait que la mission se déroule un peu mieux de ce point de vue-là, parce que Ouais, donc vous connaissez déjà entre vous, et il y a pas de test de sélection ou quoi que ce soit. C'est juste un petit groupe qui se crée. En fait, on se fait des sélections. On se fait des sélections en interne à l'école. Ouais. C'est qu'en fait, il y a un club qui dépend du BDE, et les personnes qui sont déjà parties sélectionnent les prochains. Et là, sur les dernières années, on a essayé entre guillemets, améliorer notre processus de sélection. On n'est pas des pros, hein, absolument pas, mais on a essayé d'améliorer un peu notre processus de sélection avec l'expérience de toutes les personnes qui étaient déjà parties. On a demandé aussi à des profs qui travaillent en facteur humain de nous aider un peu. Le but étant de construire un équipage cohérent avec les bonnes personnalités pour que l'équipage soit à la fois s'entende bien, mais soit aussi performant, en gros. Donc c'est une petite sélection en interne, mais la Mars Society, qui possède la base dans l'Utah, ne nous impose pas de sélection particulière parce que ça fait maintenant 6 ans qu'on envoie des équipages supérieurs là-bas, ils adorent ce qu'on fait, donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de contrainte. Ouais, donc c'est à chaque fois, c'est les écoles qui, ça peut pas être un particulier qui peut postuler pour y aller. Alors nous, on est un cas à part parce que la majorité des gens qui vont faire des missions dans la MDRS là-bas sont en fait des chercheurs qui viennent de labo et qui amènent leurs expériences là-bas pour vraiment obtenir des données. C'est strictement scientifique. Voilà. C'est vraiment des scientifiques qui vont là-bas pour leur expérience. Et donc, c'est souvent des équipages recomposés où il y a 2 scientifiques d'un pays, 3 d'un autre, et ça fait un équipage de 7 qui est un peu recomposé. Nous, de ce point de vue-là, on est un peu à part parce qu'en fait, on est un équipage complètement de notre école. On trouve nos expériences avant de partir et on part, quoi. Il y a plus d'étudiants qui font des missions comme ça. Ouais. Ouais, c'est strictement scientifique, les étudiants, quoi. Ça peut pas être particulier. Plutôt, plutôt scientifique. Ouais. Après, voilà, si vous êtes chercheur et que vous avez une manip qui demande de, d'être, enfin, qui a besoin d'être réalisée là-bas, bah, y a des candidatures et on peut postuler, quoi. Je connais pas très bien à quel point c'est sélectif, ça, je sais pas très bien. Ouais. En parlant des manips, justement, t'avais fait des manips aussi, toi, dans tes missions. Et il y avait une étude, j'avais lu, sur la réalité virtuelle comme une solution aux effets négatifs du confinement. Rapidement, ça a consisté en quoi, en fait? Alors, ouais, donc c'est une manip, moi j'étais sujet, cette manip, c'était pas moi qui l'avait amené, donc c'est une chercheuse en facteur humain de notre école, et son but c'était de voir comment des vidéos de réalité virtuelle, de nature, de grands espaces, pouvaient un peu ralentir les effets du confinement, voir comment ça pouvait apaiser, détendre, réduire un peu les problèmes de fatigue, et donc en fait la manip c'était, on avait un ordi avec l'AVR, et on regardait pendant 10 minutes une vidéo, en fait c'était un drone qui se baladait dans un parc ou sur une montagne ou un truc comme ça, en fait c'est des vidéos de nature, et donc il y avait, les sujets étaient divisés en deux, et il y en avait qui regardaient une semaine, pendant une semaine il y en avait certains qui regardaient la vidéo, d'autres pas, et on prenait à chaque fois électrocardiogramme, et on prenait aussi des questionnaires de bah, comme j'avais parlé avant. Ouais. Et le but est de voir est-ce que vraiment la réalité virtuelle ça peut aider à réduire un peu ces effets du confinement où on voit peu de nature, on est tout le temps enfermé à l'intérieur. Donc les résultats, je les ai pas parce qu'ils sont encore, la chercheuse est encore en train de traiter ses résultats pour. Est-ce qu'il y a la chercheuse c'est qu'il y a son nom. Oui, alors son nom c'est Eve Fabre qui bossait à l'école, enfin à l'ISAE jusqu'à fin mars. Maintenant. Donc ce que tu disais, donc c'est en gros t'as un groupe test qui regarde une vidéo relative virtuelle plutôt détente en fait, et un groupe contrôle qui ne faisait rien. Ouais ouais. En et on alternait semaine sur semaine pour voir, pour essayer de voir un peu l'effet que ça avait sur le sommeil, sur notre humeur, sur tout ça. Ouais. Ok. Ouais. Très bien. Que pendant ces missions, sur les deux dernières missions, donc celle en 2020 que j'ai pas faite, celle en 2018 ou en 2019. Où j'étais, on avait les bandeaux Dream. Peut-être ça vous parle. C'est d'ailleurs un ancien de l'école qui a monté une start-up comme ça. C'est des bandeaux avec des électrodes et un petit électrocardiogramme en gros qui pendant le sommeil mesure l'activité cérébrale et qui permet de en gros suivre le sommeil. Il donne les cycles, les différentes phases de sommeil. Et ils nous avaient prêté des bandeaux comme ça pour qu'on les emmène là-bas et qu'on regarde l'effet que ça avait aussi sur notre sommeil. Et du coup, ça c'est une info qu'on a pu mettre en lien avec toutes les autres expériences. Voir comment à la fois le confinement a changé notre sommeil et comment notre sommeil pouvait aussi changer nos résultats sur les différentes expériences. Ouais. On a vu en gros c'est quoi le confinement, c'est différent pour chaque personne mais avait tendance à changer un peu notre sommeil, ouais. Un peu le okay. bousiller. Donc en 2018 tu dis qu'il y avait une étude plus sur le sommeil. C'était en 2019. 2019. Hein. Ouais. Il y en avait une plus donc avec la réalité virtuelle. Est-ce que tu connais aussi si le dispositif va évoluer ou va changer? Est-ce que tu es toujours en lien avec ce dispositif Téléop? Alors Téléop, il va continuer. Donc il va continuer à être envoyé dans des missions analogues. Moi j'étais en stage il y a l'an dernier enfin 2018 avec justement Stéphanie Lizy-Détré et j'ai bossé pour commencer un peu à adapter l'expérience pour qu'elle vole dans l'ISS un jour, dans la Station Spatiale Internationale. Alors moi je serais probablement plus partie, je serais probablement plus lié à l'expérience maintenant que je quitte l'école, mais ce qui est sûr c'est que je vais suivre un peu son évolution, quoi. Et elle va probablement évoluer. Elle a été inscrite il y a pas longtemps sur un vol parabolique pour essayer de voir comment en microgravité on peut avoir du matos qui permet de réaliser l'expérience dans des bonnes conditions. Donc ouais, elle va continuer à évoluer cette expérience. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour c'était très très détaillé, très analytique, c'était vachement bien. Donc tu dis que tu vas quitter l'école parce que tu as fini tes 5 années, c'est ça? Ouais. Et qu'est-ce qu'on doit te souhaiter pour la suite? Ce sera quoi ton métier par exemple? Alors me souhaiter pour la suite de la chance, hein, surtout pour trouver les bons jobs. Moi ce qui me plaît vraiment, j'ai vraiment envie de bosser dans le vol habité. Et, ouais. Après voilà, il y a pas énormément de débouchés là-dedans. Est-ce que je me destine à une thèse ou pas, je sais pas trop. difficile. Je sais toujours pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que si je vois un bon sujet passer sur le vol habité, je vais pas le laisser passer, quoi. Mais je sais pas, je vais essayer d'aller regarder peut-être du côté de l'ESA. Ils font pas mal de choses. Peut-être essayer de trouver un peu plus quelque chose recherche. Ouais. Sur le vol habité. Ouais, c'est sur le vol habité. Et par contre, participer au premier vol habité, toi, ça t'intéresse pas plus que ça? Ouais, ce serait génial. Ah oui. Ce serait génial. Ouais, ce serait génial. En tout cas, merci. Un choix, aller sur Mars, quand même, un choix, c'est trois ans, hein, mission, aller-retour, mais ce serait, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Choix difficile, mais incroyable. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé tes expériences et tes connaissances. Je sais pas si j'ai loupé des questions de la chatroom. Je pense que t'avais à peu près tout. De ce qu'on avait remonté, donc c'est bien. Merci beaucoup, Jérémy, en tout cas, c'était vraiment super intéressant et un super retour d'expérience. C'est clair que ça donne vraiment envie de voir ça bientôt pour de vrai, quoi, et d'aller dans des vols invités. Et puis merci Cléora aussi pour l'introduction et les questions. Et bien, du coup, je pense que maintenant, c'est le moment de passer à la chronique d'Élise et Pierre, sauf si il y a d'autres questions concernant ce que Jérémy nous a raconté. Et bien, alors, on y va, alors. Vous entendez ça? C'est le son d'un homme gagnant un prix Nobel. À vrai dire, c'est plutôt le son d'une femme en train de réaliser le travail qui conduira un homme à obtenir ce prix. En 1950, Martha Chase intègre le Cold Spring Harbor Laboratory de Long Island dans l'État de New York, après avoir terminé ses études au Worcester College dans l'Ohio. Elle y travaille en tant qu'assistante de recherche auprès d'Alfred Hershey, qui étudie la reproduction des virus bactériophages à l'intérieur des cellules. Quel est le contexte à cette époque? Aujourd'hui, où la génomique et la compréhension de l'ADN sont extrêmement développées, il paraît difficile d'imaginer un monde où l'on ne sait pas si c'est l'ADN ou les protéines qui portent l'information génétique à l'intérieur des cellules. Pourtant, au début des années 40, c'est à ce stade qu'en était la connaissance scientifique. Dans le méli-mélo des molécules contenues dans les cellules, il était encore difficile de déterminer quelle substance accomplissait quelle tâche. Les choses semblent avancer en 1944 avec les expériences menées par Oswald Avery, Colin MacLeod et MacLean McCarthy. Les trois chercheurs se fondent sur un processus de transfert de l'information génétique bien connu. En exposant des bactéries inoffensives à des extraits bactériens de souches tueuses, ils confèrent aux premières un caractère pathogène. Afin de comprendre quelle molécule est le support de cette information génétique, nos chercheurs répètent cette même expérience plusieurs fois avec différents extraits bactériens dont ils ont éliminé certains types de composants cellulaires comme l'ARN, les protéines, les sucres, les graisses, etc. Ils constatent que seule la destruction de l'ADN empêche le transfert de l'information génétique des bactéries tueuses aux bactéries inoffensives. De tels résultats auraient pu bouleverser les connaissances en génétique dès les années 40, prouvant que les gènes étaient composés d'ADN et non de protéines ou d'autres molécules. Mais de pareilles conclusions, très en avance sur leur temps, suscitaient beaucoup de scepticisme. Il semblerait par ailleurs que Avery n'ait pas eu de don particulier pour la promotion des travaux de son laboratoire. Cependant, quelques années plus tard, Alfred Hershey et Martha Chase poursuivent dans la voie ouverte par ces travaux, avec une nouvelle expérience à la fois simple et originale. Ils utilisent des bactériophages, c'est-à-dire des virus qui transmettent leur matériel génétique à des bactéries pour se multiplier, et tentent de déterminer quel composant du virus, ADN ou protéine, permet ce processus de transmission. Martha propose de réaliser deux versions d'une même expérience permettant de comparer le rôle de l'ADN et celui des protéines. Dans la première version, elle ajoute des marqueurs radioactifs aux protéines du virus, tandis que dans la seconde, c'est l'ADN du virus qui est rendu radioactif. Pour la suite de l'expérience, son idée est de transformer un blender de cuisine en agitateur permettant de séparer bactériophages et bactéries juste après la phase de transmission de l'information génétique du virus. On peut arrêter le bruit là ? Après quoi, il suffit d'observer où se situe la radioactivité. Les chercheurs remarquent que seuls les bactériophages sont radioactifs pour la version avec des protéines marquées, tandis que ce sont les bactéries qui émettent la radioactivité pour la version avec l'ADN marqué. Ces observations permettent donc à Hershey et Chase de déduire que seul l'ADN est passé du bactériophage à la bactérie et qu'il s'agit donc bien du composant porteur de l'information génétique. Le généticien Matthew Cobb, dont le livre Life's Greatest Secret revient sur la course au décryptage du code génétique dans les années 40 et 50, affirme que les travaux menés par Hershey et Chase n'ont probablement pas constitué la preuve définitive du rôle de l'ADN comme beaucoup aiment à le croire. Leur méthode d'expérience au blender était tout de même imprécise, et Hershey lui-même n'était pas tout à fait convaincu qu'il avait ainsi prouvé que l'ADN portait les gènes. À vrai dire, même lorsque la structure de l'ADN a été découverte, son rôle dans la transmission de l'information génétique était encore considéré comme une hypothèse, et cela n'a été prouvé de façon irréfutable qu'une bonne dizaine d'années plus tard. Néanmoins, en 1969, Hershey reçoit, avec ses collègues spécialistes des bactériophages Max Delbrück et Salvatore Luria, le prix Nobel pour ses connaissances sur la nature des virus. Un autre chercheur, Frank Stahl, qualifia à l'époque les trois hommes de « trinité de l'église des phages », présentant Delbrück comme le pape, Luria le prêtre et Hershey le saint patron. Il va sans dire que Martha Chase ne faisait pas partie de cette triade. Bien que Martha ait réalisé une grande partie du travail de laboratoire pendant trois ans et qu'elle ait participé à la conception des expériences qui ont permis à Hershey d'obtenir le prix Nobel, certains estiment qu'il était tout à fait naturel qu'elle ait été laissée de côté, car c'est lui qui dirigeait les recherches, tandis qu'elle contribuait plutôt à fournir les données finales. Sans grande surprise, elle a été victime de préjugés sexistes au cours de sa carrière. Un de ses collègues masculins, à Cold Spring Harbor, se souvient lui avoir dit « Martha, c'est une belle expérience, je voudrais t'en féliciter. Je pensais que tu étais juste une jolie fille. Maintenant, je sais que tu es aussi une bonne scientifique. » Mais sa nécrologie dans le New York Times, publiée à sa mort en 2003, est intitulée « Martha Chase, 75 ans, une chercheuse qui a contribué à l'expérimentation sur l'ADN. » Comme reconnaissance, ce n'est déjà pas si mal. Plus largement, ce que l'histoire de Martha Chase met en évidence, c'est le problème du statut des prix Nobel considéré comme le sommet de la réussite scientifique. Alors que de nombreuses personnes dans un laboratoire contribuent souvent à une découverte, que ce soit en tant qu'assistante, comme Martha Chase, ou en tant que chercheuse indépendante, comme Esther Lederberg ou Tsuneko Okazaki, seules trois personnes vivantes peuvent partager chaque année un même prix Nobel. Mais comment et qui choisir ? Un choix dont la difficulté n'a de cesse d'augmenter, à une époque favorisant les grandes collaborations internationales entre équipes scientifiques. À l'heure actuelle, bien que davantage de femmes occupent des postes haut placés et obtiennent une reconnaissance internationale pour leur travail, il existe toujours un réel déséquilibre. En 2019, on pouvait dénombrer 853 hommes ayant remporté des Nobel dans toutes les catégories, pour seulement 53 femmes. Dans le domaine des sciences, on compte en plus de 100 ans que 19 femmes lauréates, dont Marie Curie qui a gagné deux fois. Et ces chiffres ne font par ailleurs pas état des autres formes de discrimination et ignorance de la diversité des acteurs de la recherche scientifique. L'histoire de la science est généralement perçue comme un récit où évoluent d'illustres hommes blancs, souvent accompagnés d'épouses qui les soutiennent. Mais les temps changent, et il nous tarde de découvrir et voir récompenser les résultats et talents scientifiques où qu'ils se trouvent. Merci, c'était... J'adore ces chroniques. Ouais, j'adore aussi. L'ambiance musicale est top. À noter que, voilà, bon, évidemment, on n'en est plus quand même là aujourd'hui, heureusement. Néanmoins, on a quand même toujours la remarque, t'es une jolie fille, mais t'es aussi une bonne scientifique, m'a fait penser à une petite expérience personnelle que j'ai eue la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je sais plus, où lors d'un meeting Zoom, quelqu'un m'a fait « Mais Alexa, oh là là, t'es maquillée en confinement ». Voilà, de la part d'un mec de mon labo, de notre âge, ce à quoi j'ai répondu « Oui, moi, je baise ». Donc, évidemment, ça a jeté un froid. Wow. mais bon, voilà, le sexiste quand même. Tout... Le pauvre. Voilà, le pauvre sexiste. en tout cas, très, ouais, très chouette. Moi aussi, comme disait Eléa, elles sont vraiment super cool, ces chroniques. Et Eléa, justement, passons à ta chronique et au résultat du quiz. Qui nous taraude depuis des semaines maintenant. Mais tout à fait. Comme ça fait des semaines, j'ai tout à fait... La réponse. Oui, la réponse que tout le monde attend. Eh bien, donc, il y a plein de choses comme ça dans la nature qu'il faut cuire longtemps pour pouvoir les consommer. Vous avez sûrement en tête ce qu'on appelle les légumes secs, qui, pour beaucoup de personnes, n'ont pas du tout les caractéristiques de vrais légumes. Par exemple, les haricots, les fèves, les lentilles et bien sûr, les pois chiches. Et souvent, il faut les faire tremper. Alors pourquoi ? Parce que tremper, apparemment, c'est plus mou, c'est moins difficile à cuire et apparemment, ça fait moins péter aussi. Voilà. Et comme le zéro gaspillage, c'est un peu dans l'air du temps et que cet taux de trempage... Mais attends, c'est un autre quiz, ça. Oui, oui. Est-ce que tremper les haricots fait moins péter ? C'est bien, ça, le quiz. Élément de réponse dans cette chronique. Ah, d'accord. Patience. du coup, on était en droit de se poser la question du bien fondé de garder l'eau de pois chiche ou pas. Alors, qu'en pensent les auditeurs ? On a eu quelques réponses. On a eu une contribution de Arbaot qui nous a envoyé un lien d'une émission de France Inter avec une chronique d'Esterelle Payani sur On va déguster, qui nous dit, bah oui, on peut utiliser l'eau de pois chiche pour faire des tas de trucs, des macarons, des meringues, de la mousse au chocolat, et il y a même une recette de crème anglaise sans œufs. Incroyable. D'ailleurs, pour ce quiz, je tiens à signaler que Topo s'est démené et qu'il a fait lui-même des financiers noisettes et des meringues avec simplement de l'eau de pois chiche. Je peux faire un petit retour sur expérience, d'ailleurs. Mais vas-y. Donc, j'ai utilisé des boîtes de pois chiche, des conserves de pois chiche pour pouvoir extirper cette eau que j'ai utilisée en guise, en effet, de blanc d'œuf. Et les meringues, ça marche très bien, c'est-à-dire qu'on obtint de belles meringues, mais elles étaient très légèrement salées, ce qui est tout petit peu perturbant, quand même. Et pour les financiers, normalement, on utilise de la poudre d'amande. J'en avais pas, j'ai utilisé de la poudre de noisette. C'est probablement une erreur, parce que aucun des ingrédients ne s'est mélangé. Donc c'était bon, mais séparément, c'est-à-dire le sucre est bon, les noisettes c'est bon, le beurre c'est bon, et ça tombe bien, tu pouvais les manger séparément dans le financier. Donc pas top pour l'instant, pas concluant. Ok, les autres, vous avez essayé une recette à base d'eau de trempage de pois chiche ou pas du tout ? Non, pas du tout. Vous avez pas fait Alexa exhibe fièrement sa boîte de pois chiche, mais c'est tout. Elle n'est pas ouverte, donc bon. C'est une denrée rare ici. Non, si j'ai testé un truc, j'ai testé de faire mariner un peu le reste des légumes que j'ai fait cuire avec les pois chiches grillés, ce que je recommande d'ailleurs dans l'eau ou non de pois chiche, mais en fait ça changeait rien. Donc du coup, bon, remarque, c'est un témoin, c'est une expérience négative, mais voilà, ça rajoutait pas spécialement du coup. Alors peut-être qu'après cette chronique, tu auras plus d'idées pour ta prochaine boîte de pois chiches. On a aussi eu une réponse de Aude qui nous a envoyé la réponse suivante, qui nous dit « Moi, je garde généralement l'eau de la conserve de pois chiches, pas tout le temps parce que ce n'est pas ma préférée, car je me dis que dedans, il doit y avoir des nutriments, des vitamines qui ont été abandonnés par les pois chiches pendant leur séjour dans l'eau. Et donc après, j'utilise dans mes soupes, par exemple. » Bah oui, il faut rajouter de l'eau pour faire cuire ta soupe, alors autant utiliser l'eau où en plus il y a de bonnes choses. Elle garde également toutes les autres cuissons vapeur, et donc elle utilise les eaux dans ses recettes de cuisine qui demandent de l'eau. Donc elle répond que c'est une info, il faut garder l'eau de trempage pour ne pas gaspiller. Et elle en profite pour nous faire des bisous et nous dire qu'il faut servir la science dans la joie. Voilà. Donc, petit message de Aude. D'ailleurs, elle nous a envoyé un super dessin trop choupinou que je vais mettre dans la chatroom et dans les notes d'émission, avec des petits pois chiches dessinés qui sortent d'une boîte de conserve et qui se déversent et on récupère l'eau, voilà. Donc, effectivement, pourquoi ne pas garder cette eau de trempage pour la recycler dans quelque chose d'utile ? Mais attention, il y a eau de trempage et eau de trempage. Voilà. Donc, vos légumineuses, en fonction de où vous les achetez et comment elles ont été stockées, etc., peut-être que vous vous dites qu'il y a un peu de poussière dessus, de la saleté, voire des petits visiteurs, des mites alimentaires, n'importe quoi. Donc, vous pouvez choisir de les rincer d'abord et de les laisser tremper. Et vous pouvez aussi les laisser tremper pour les ramollir. Hein. Donc, cette première étape de trempage à froid que beaucoup de gens font, ça permet d'éliminer pas mal de trucs, puisque les légumineuses contiennent plein de super molécules différentes, et notamment des sucres. Alors je vais vous dire des noms barbares, mais il y a des sucres qui s'appellent le stachyose ou le verbascose, qui sont pas très digestibles pour nous, et qui provoquent donc les fameuses flatulences de nos légumineuses. Alors, ceux-ci vont passer dans l'eau de trempage, la première eau de trempage. Oui, tu as une question, Pierre. Et pourquoi ça nous fait avoir des flatulences, avoir des sucres non digérables ? Eh bien, c'est une très bonne question. Je n'ai pas creusé pour cette émission, mais comme alors, on digère moins... C'est le moment de ressortir. C'est fait justement un lien avec la chronique auparavant, parce que c'était quelque chose qui est beaucoup étudié par la NASA, justement, parce que c'est des choses qui sont intéressantes, parce que quand vous vivez dans 5 mètres cubes d'air, il faut éviter de le contaminer avec trop de flatulence. Et donc, il y a pas mal d'études qui ont été faites pour ça, qui sont résumées dans un des chapitres du superbe livre de Mary Roach qui s'appelle Packing for Mars, Life in the Void, qui n'a pas été traduit en français, je crois, mais comme tous les livres de Mary Roach, il est vraiment génial. Donc, je l'ai lu il y a longtemps, je ne sais pas pourquoi exactement, mais donc je crois qu'effectivement, elle conclut que les pois chiches sont évités sur la Station Spatiale Internationale. Eh bien, c'est à cause de ces sucres qui, physiologiquement, quand on digère mal, ça crée des gaz, et donc... on pète, voilà. Tu pourras nous faire le détail de cette chronique pour résoudre ce mystère la prochaine fois, Topo, je te fais confiance. Donc, ce genre de sucre et d'éléments qui sont pas très digestes vont passer dans l'eau lorsqu'on les trempe, apparemment leur passage dans l'eau se fait plus rapidement si on ajoute du bicarbonate, parce qu'il y a un changement de pression osmotique, et du coup, ça va favoriser la dilution de ces produits-là. Du coup, ça passe dans cette première eau de trempage. Dans les légumineuses et les céréales, il y a aussi des saponines, qui sont des molécules naturellement moussantes et détergentes. Et si y en a en trop grosse quantité, ça peut s'avérer difficile à encaisser pour votre système digestif, parce que quelque chose qui mousse et qui est détergent, c'est comme du savon. Ne mangez pas de savon, c'est dangereux pour votre santé. Donc, il est aussi conseillé de laisser tremper le quinoa ou les graines de chia, par exemple, parce que ça contient beaucoup de saponines, et enlever un excédent de ces trucs-là, ça paraît être une bonne idée. Du coup, cette première eau de trempage, elle est pas terrible, puisqu'on enlève des trucs qui, potentiellement, peuvent nous faire du tort. Mais ensuite, il faut les cuire. Et la déperdition de molécules solubles va pas s'arrêter là. Qu'en est-il de l'eau de cuisson ? Donc, concentrons-nous sur cette eau de trempage à chaud. Alors, juste pour rappel, pour voir s'il y en a qui suivent, le pois chiche, c'est le fruit du... Tic-tac. Alors là, pois chiche. C'est le fruit du désir entre deux plantes qui ont copulé. Voilà, du coup, voilà. C'est le fruit du pois chiche, non, c'est une blague. En fait, c'est le fruit du pois chiche, c'est une des rares plantes où il n'y a pas d'arbre dédié avec un « et » à la fin. Et en fait, c'est pas un arbre, c'est une petite plante assez discrète qui paye pas de mine, de la famille des fabacées, donc la famille des légumineuses. Son nom latin, c'est Cicer arietinum, et arietinum, ça vient de aries, qui fait référence à la tête en forme de bélier du fruit de pois chiche. Voilà. Donc les graines de pois chiche sont assez prisées puisqu'elles contiennent une quantité assez record de glucides et de protéines pour une graine végétale, et je ne sais pas si vous le saviez, mais on cultive des pois chiches dans le sud de la France, c'est donc un produit relativement local. Il y a même une fête du pois chiche à Montaran dans le Gard au mois de mai, et à Rougier dans le Var, mais au mois de septembre. Voilà, je ne sais pas si vous saviez. Mais les plus gros producteurs de pois chiches, c'est pas la France, c'est surtout la Turquie, l'Australie, la Syrie ou le Mexique. Alors, ça représente quand même une denrée alimentaire assez importante. En 2017, on a produit et exporté 12,3 millions de tonnes de pois chiches. Voilà. Alors, du coup... En France, c'est ça ? Dans le monde. Uniquement. Ah, dans le monde, d'accord. Donc, l'eau de trempage, c'est soit cette eau de cuisson, là, soit le liquide visqueux qu'on retrouve effectivement dans les boîtes industrielles de pois chiches. Donc, on peut faire son eau de pois chiche soi-même, ou on peut l'acheter. Voilà. Là-dedans, il y a des sucres, des polysaccharides, des protéines, et aussi des saponines. Voilà, tout ça, ça fait cette eau de pois chiche magique. Et alors, en faisant des recherches, j'ai découvert un truc incroyable. Cette eau de pois chiche, elle a été, ses propriétés ont été découvertes d'après le web en 2014 par un Français, Joël Russell, qui aurait découvert les propriétés de l'eau de pois chiche pour faire un équivalent de blanc en neige. Alors, c'était un cuisinier amateur, et en 2014, sur son blog, il expérimente des tas de trucs pour faire une émulsion avec des produits d'origine végétale, parce qu'il était végétarien ou vegan, et du coup, il voulait pas manger d'œufs. Donc ils testent l'eau de haricots en conserve, ils testent l'eau de cœur de palmier, ils rajoutent de l'amidon de maïs, de la gomme de gare, ils testent plein de choses comme ça pour faire des meringues. Et ces expériences inspirent d'autres gens et d'autres cuistots. Et un moment, sur Internet, apparaît une vidéo avec une mousse au chocolat végane complètement sans œufs, qui retire l'attention évidemment de toute la communauté végane en manque de gâteaux. Donc, à partir de là, ça s'exporte un peu aux États-Unis. En 2015, c'est un certain Goose Walt qui propose le terme aquafaba pour désigner cette eau de trempage, du latin aqua eau et faba fève. Donc, sur Internet, si vous cherchez des recettes de pois chiches, vous trouverez sûrement en anglais recette AF, aquafaba, parce que c'est super hype. Voilà. Donc, ce terme-là se répand et maintenant on désigne l'eau de trempage des pois chiches par le terme aquafaba, sauf au Québec où il déconseille de l'utiliser pour le remplacer plutôt par jus ou eau de légumineuse puisqu'il considère que c'est un emprunt à la langue anglaise et l'anglais c'est mal. Donc au risque de froisser les compagnons d'outre-Atlantique, que je salue au passage s'ils nous écoutent, j'utiliserai aquafaba dans la suite de ma chronique et pas eau de légumineuse parce que c'est quand même vachement moins long. Donc l'aquafaba, effectivement, ça a plein de propriétés. Donc si on se base sur la composition, c'est 95% d'eau. Il y a entre 0,9 et 1,5% de protéines en grammes. Hein. Il y a un peu de fibres, très légèrement. Il y a des saponines, donc ce qui fait mousser, des composés phénoliques, etc. Mais il y a très peu de gras et d'amidon. Donc c'est assez léger et ça permet de substituer l'œuf et le lait dans des recettes puisque ça fait d'excellentes émulsions. Ça c'est pratique du coup pour les végétariens et les véganes et aussi pour toutes les personnes intolérantes au lactose et les personnes allergiques aux œufs. Bonne nouvelle, hein, vous n'êtes plus obligé de vous priver de pâtisserie même avec ce genre d'intolérances qui sont plutôt lourdes à vivre au quotidien. C'est aussi pas mal pour les gens qui souffrent de maladies génétiques comme la phénylcétonurie, c'est une mutation génétique qui fait que chez certaines personnes, il n'y a plus l'enzyme capable de dégrader un acide aminé, la phénylalanine, qui est un des 9 acides aminés essentiels qu'on ne synthétise pas et que du coup on doit manger et prendre de la viande ou des aliments carnés. Du coup, si on a cette maladie, on se retrouve rapidement avec un taux de phénylalanine trop important et ça peut faire des dégâts cérébraux, etc. Donc utiliser de l'aquafaba à la place des œufs qui contiennent beaucoup de cet acide aminé, ça peut être utile. Un autre avantage, c'est que ça permet de valoriser les pois chiches écartés dans le commerce, par exemple. Donc si on se met à produire ça industriellement, ça permet de recycler tous les pois chiches trop moches pour être vendus, et ça permet d'utiliser cette eau de conservation qui ne sert jamais à rien. Alors, en creusant un peu quand même, il y a quelques inconvénients. C'est pas quelque chose de très calorique. Alors, en fonction de votre point de vue, ça peut être soit un avantage, soit un inconvénient à voir. Hein. Votre crème meringuée sera moins calorique qu'une crème aux œufs, par exemple. Sauf si vous rajoutez 8 kilos de sucre pour compenser le goût un peu salé. Il y a peu de nutriments vraiment intéressants et il y aurait des traces de quelques composés toxiques qui restent dans la graine dont je vous ai parlé plus tôt. Donc entre autres des saponines et des composés phénoliques ou des inhibiteurs de protéines qui nous empêcheraient de digérer. Alors c'est très très récent, il n'y a pas eu vraiment d'études scientifiques rapidement avant cette expansion comme ça de l'utilisation de l'aquafaba, et donc tout le monde l'utilise et se conseille des recettes. C'est devenu un symbole de la nourriture santé, vegan, nutrition, mais on ne sait vraiment pas quel effet délétère ça peut avoir sur la santé. 2014 pour la science, c'est hier, hein, c'est très récent. Bon, le point positif, c'est que aucun cas grave ou aucun décès a priori n'a été rapporté parmi les véganes après hyperconsommation d'aquafaba, mais c'est quelque chose de super récent. Alors, l'industrie est bien sûr sur le coup pour faire de nouveaux procédés émulsifiants à base d'aquafaba. Il y a des gens qui essayent de développer de nouvelles variétés de pois chiches qui sont moins concentrées en saponines ou moins indigestes. Et enfin ça c'est un truc qui m'a vraiment surpris. Moi j'ai eu du mal à me dire qu'on avait découvert les propriétés moussantes de ce truc seulement en 2014 sur un malentendu. Mais voilà, force est de constater que c'est à partir de ce moment-là que c'est devenu une véritable mode. Et maintenant, les végans ont aussi le droit à leur tranche de rhubarbe meringuée pour le goûter. Ce qui me pose la question, moi, en tant que tu vois, genre, auteur de Retour vers le Paléo, je me pose toujours des questions, c'est qui est le premier homme à avoir, ou première femme, donc premier humain, à avoir trouvé telle ou telle propriété. Et donc, qui est le malade mental qui a pris un œuf et qui s'est dit, je vais l'agiter comme un malade et je vais faire des blancs en œuf. Enfin, y a un truc qui se passe quand même dans le cerveau de la personne. Donc, ça se trouve, oui, en fait, les gens ont mangé pendant des millénaires des œufs sans suspecter. Et il y a un débile qui a trouvé ça et qui, grâce à ça, a ouvert toute la pâtisserie du monde. Mais alors, ça m'étonnerait qu'on s'en soit pas rendu compte avant, parce que si tu fais cuire des pois chiches comme ça, tu te rends vite compte que ça fait une espèce de mousse à la surface. Et les saponines, c'est quelque chose qui est déjà exploité depuis très longtemps. Donc, je parlais d'ethnobotanique dans une autre émission. Mais ça fait très longtemps qu'on sait qu'on peut utiliser les saponines du lierre, par exemple, pour faire de la lessive. Ça fait très longtemps qu'on sait qu'on peut utiliser la saponaire, la fleur de saponaire qui contient de la saponine comme un shampoing. Ça m'étonnerait qu'on ait ignoré que l'eau de pois chiche, oui. Mais tu la manges pas. C'est ça, c'est lui le débile. C'est celui qui voit que ça mousse et qui va manger après, tu vois. C'est vrai. Mais tu manges les pois chiches, du coup ça peut pas être. Enfin voilà, donc c'est très récent, mais si vous faites une recherche un peu Google Scholar et tout ça, vous vous rendez compte que les brevets et les publications fleurissent de plus en plus. En 2019, il y en a des dizaines et des dizaines qui comparent formellement du coup les propriétés physiques et physico-chimiques de l'aquafaba et du blanc d'œuf. Les chercheurs se sont rendus compte, par exemple, que le sel c'était important pour structurer la mousse d'œuf, alors que pour le pois chiche c'était plutôt une histoire d'acidité, de pH. Donc ça marche mieux avec un pH plus élevé, donc un milieu plus basique. Donc si vous rajoutez du bicarbonate, j'ai pas fait l'expérience, en théorie, ça devrait faire le job. Alors moi, le conseil qu'on m'avait dit, c'était de baisser le pH et de rajouter du vinaigre pour pouvoir que ça émulsifie plus. Que j'ai lu. Donc moi j'ai suivi comme un con, mais je sais pas. Je te renverrai la publi que j'avais trouvée, on pourra comparer. Voilà. Donc j'ai même trouvé une publication qui montrait que les ultrasons ça améliorait le volume et la structure de la mousse d'aquafaba. Voilà, il y a des chercheurs qui s'amusent à soumettre leur mousse de pois chiche à des ultrasons. Voilà, il y en a qui comparent quel est le bon ratio aquafaba sur huile pour faire la meilleure mayonnaise végane, puisque oui, on peut faire une mayonnaise végane avec l'aquafaba, incroyable. Je crois qu'il y en a même une marque américaine qui est la première commercialisée qui s'appelle la Fabanaise. Voilà. Donc, c'est bien beau tout ça, vous pouvez utiliser votre eau de pois chiche, mais maintenant, que faire des pois chiches, hein, vous me direz. Les pois chiches, vous pouvez en faire des falafels, du houmous et toute autre sorte de plat. Voilà, ceux qui se demandent, ok, si j'ai pas de pois chiches, est-ce que je peux quand même faire de la pâtisserie vegan? Le but, c'est de lier, d'émulsifier, d'hydrater et d'aromatiser. Du coup, vous pouvez utiliser d'autres trucs comme la compote de pommes, les graines de lin, la farine de tapioca, ce genre de trucs qui sont assez collants. Donc il y a plein de solutions pour ne pas utiliser d'œufs, si vous voulez. Et c'est super intéressant quand on se plonge dedans, parce qu'on se rend compte que la cuisine, c'est vraiment de la chimie. Donc vous pouvez remplacer à peu près tout par une molécule qui a les mêmes propriétés ailleurs dans le vivant. Donc, si je devais conclure cette petite chronique, faut-il garder l'eau de trempage des pois chiches? Alors, info, vous pouvez la garder, mais si j'étais vous, je garderais pas l'eau de trempage à froid pour laver les pois chiches, mais plutôt l'eau de cuisson, la vraie aquafaba, ou le reste de vos pois chiches en pot. À moins que vous soyez très très craintif du fait de ne pas avoir de recul scientifique sur la toxicité de ce truc, dans ce cas, vous pouvez vous en abstenir par principe de précaution. Voilà, je m'arrête ici parce que sinon on va finir en podcast cuisine et en confinement c'est pas une bonne idée, hein. Mangez pas trop, faites du sport, cassez pas vos objets chemin faisant. Voilà, je vous souhaite une bonne chance et je m'arrête ici. Est-ce qu'il y a des questions? Je trouve que c'est top. Et du coup, c'est trop bien, on apprend trop de trucs. Ouais, toujours très bien. Ouais. Je voulais juste rajouter un truc sur les plats locaux avec les pois chiches parce que c'est un truc qui me tient vachement à cœur et qui, je pense, des gens pourront tester. Alors, je sais pas ceux d'entre vous qui connaissent la cuisine de Trinidad. Peut-être pas. Mais dans la cuisine de Trinidad, il y a quelque chose qui s'appelle les dobles. Alors, c'est des espèces de deux... Enfin, il y a pas mal d'influences indiennes aussi dans la cuisine de Trinidad. Donc, c'est deux espèces de naan avec un espèce de chana au milieu, donc avec des pois chiches et différentes choses, et différentes épices. Et c'est quelque chose qu'on achète dans la rue, qu'on mange un peu à tous les moments de la journée. Et c'est super bon, et c'est trop bien. Et donc, voilà, c'est à base de pois chiches. Et je voulais rendre hommage un peu... Donc, ça s'appelle les dobles. Je vais mettre un lien dans la chatroom, mais c'est... C'est super. Vas-y, Pierre. C'est déjà fait. On va vraiment finir en podcast, c'est déjà fait. Monsieur Cuisine. Et ça donne très envie, en fait. Il y a Nive dans la chatroom qui précise que apparemment, ce serait dans un traité culinaire datant du 6e siècle qu'on trouve la première recette de blanc en neige avec des œufs. Ah. Voilà. Par un médecin byzantin, Antime, qui découvrit le principe de la neige obtenue en battant des blancs d'œufs. Voilà, il fallut attendre la Renaissance pour que cette neige devint une gourmandise. La source, c'est le dictionnaire de la gourmandise. Il y a une autre question de Nive qui demande, est-ce qu'on se casse si ça apporte autant de protéines que les œufs ? Oui, ça n'en apporte pas autant du tout. Il y a beaucoup moins de protéines dans l'aquafaba, il y a quasiment rien. C'est surtout de l'eau, en fait, c'est l'émulsifiant, c'est surtout les saponines qu'il y a dedans et les quelques fibres. Donc c'est beaucoup moins concentré. L'œuf à côté, c'est vraiment une barre nutritive d'endurance, quoi. Le blanc d'œuf. Oui. Le blanc d'œuf, c'est vachement nutritif. Oui, oui, c'est que de la protéine quasiment, c'est de l'albumine, quoi. Eh ben... eh ben, je déchante, hein. Voilà, c'est pas aussi grave que des frites et un burger à un McDo et... oui, voilà, j'imagine mais... bien, ouais, non... Mais un œuf, c'est 70 calories. Oui, c'est pas énorme, mais comparé à l'aquafaba, c'est beaucoup. Et c'est bien, 70 calories. Qu'est-ce que je voulais dire ? Moi, j'ai une question, c'est la différence qu'il pourrait y avoir entre l'aquafaba de conserve, entre des conserves qui sont dans du verre et des conserves qui sont dans du métal. Est-ce qu'il y a une différence ? Alors, j'ai pas trouvé de comparaison à ce sujet. Mais en principe, dans le principe de conservation de la conserve, il ne devrait pas y avoir d'air, donc tu ne devrais pas avoir de problème trop d'oxydation dans ton pot, si c'est ça le problème que tu veux soulever. Non, moi je me demande surtout si ça enlève le goût salé de la aquafaba que j'ai, quoi. C'est une bonne question, j'ai jamais fait la comparaison, parce que j'ai tendance à acheter toujours dans du verre et jamais dans du métal, mais... Et d'autre part, Élise, donc Wonderful Wife, c'est qui a fait la chronique tout à l'heure, elle a des réticences à utiliser justement l'eau de déconserve en disant ça doit accumuler des trucs. Je sais pas. J'ai pas trouvé de mesure. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y en a. Ou est-ce que le métal passe dans l'aquafaba, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Je pense quand même qu'il y a un minimum de tests qui sont faits avant le conditionnement, quand même, dans l'industrie agroalimentaire, parce qu'il y a plein de tests qui sont faits comme ça. Donc, à mon avis, c'est possible hein, que ça passe un peu dedans, mais ça doit être au bout d'un temps de conservation assez long. D'accord. Et je pense pas que ça pose de problème majeur comme ça, a priori. Mais, Bah oui, parce que quand tu manges des tomates en boîte, tu mets tout. Enfin, quand tu y a un tas de trucs où tu mets tout, en fait. Mais l'eau avec. Ah ouais. Donc, je suis tout à fait d'accord. Je j'ai pas de crainte à utiliser des. Ah, mais tu lui diras, Élise. Conserve moderne. Ouais, mais ça ne sert à rien. Si c'est moi qui le dis, c'est. Il faut que ce soit Eléa qui le dise, tu comprends? Non, mais je ferai des recherches. Promis, je ferai des recherches, mais je pense que c'est conditionné pour que ça se conserve bien et qu'il n'y ait pas trop de problèmes de passage de métal entre. Mais on est donc d'accord que quoi qu'il arrive, que ce soit dans la boîte de conserve métal ou verre, l'idée c'est que ça correspond à l'aquafaba de cuisson, puisque c'est passé par le processus de pasteurisation, j'imagine. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on peut utiliser straight out of the can l'aquafaba des conserves. Donc si tu cuis longtemps, alors bien sûr faut pas mettre 8 litres d'eau pour 3 pois chiches, parce que sinon ton aquafaba est très dilué, et enfin voilà, faut quand même que ce soit concentré. C'est pour ça que dans la canette c'est très concentré et très très gluant et très visqueux, parce que t'as vraiment tiré pas mal de ces molécules moussantes et visqueuses. Alors que si tu les fais cuire toi-même et que tu mets trop d'eau, ça va être assez dilué, quoi. Mais tu vas voir si ça mousse assez rapidement. Cool. Voilà. Et pour ceux qui posent des questions sur dans la chatroom sur le fait d'utiliser de la compote de pommes, tous les fruits quasiment contiennent de la pectine. Et la pectine, c'est un espèce de polymère de sucre qu'ont les plantes, qui est capable de piéger l'eau et qui fait un espèce de gel et de maillage. Et du coup, vous pouvez aussi l'utiliser en cuisine pour donner une propriété, une texture un peu collante comme ça. Ça marche très bien pour faire des gâteaux au chocolat. Vous pouvez faire des moelleux au chocolat sans œufs avec de la compote de pommes, c'est ultra bon. Voilà. Yes. Ce qui est, en fait, pour moi, c'est vraiment le grand espoir que tu dis, c'est le fait que c'est arrivé si tardivement dans la cuisine. Et je me dis, de la même manière que pour l'ethnobotanique, qui peut recéler énormément de traitements, etc., je suis à peu près sûr que si on creuse un tout petit peu, on pourrait avoir des ersatz de beurre, des ersatz de viande, etc., si on creuse un peu, quoi. Mais tu crois pas si bien dire, il y a beaucoup de recherches agroalimentaires en ce moment sur les fécules, donc toutes les alternatives de farine qui ne soient pas que du blé et qui contiennent moins de gluten pour les gens qui sont intolérants. Par exemple, on est en train de redécouvrir sur le marché la racine d'une plante qui s'appelle l'herbe aux flèches. En anglais, c'est arrowroot. Donc, c'est très commun à La Réunion ou l'île Maurice. Ils font des bonbons qui s'appellent des bonbons larrowroot avec cette fécule. C'est une plante qui est assez cool. Je peux vous mettre une photo dans la chatroom. Ah bah oui, il y a la racine qui a apparu. Et puis il y a la plante aussi. C'est une plante d'aspect un peu tropical que certains ont en culture chez eux. Mais voilà, la farine, du coup, ça fait une super farine qui a des propriétés épaississantes aussi. Et c'est utile pour les gens qui veulent des pâtisseries sans gluten, par exemple. Donc il y a plein de trucs à faire, c'est fascinant. Et ben voilà, qu'est-ce qu'on apprend avec un quiz sur les pois chiches, hein. Ouais, c'est cool. C'est cool. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans la chatroom là-dessus ou pas? Non, il y a Brusicor qui fait son intéressant, j'ai envie de dire. Non, qui dit qu'il y a des propriétés gélifiantes de l'aquafaba. Et Blue Phoenix surtout qui dit qu'il faut laver les œufs parce avant de les consommer parce que sinon ça revient quand même embrasser le cloaque de la poule. Et Johan a aussi demandé si ça soignait le coronavirus. Est-ce que t'assumes publiquement? Alors non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Autant que la chloroquine. Non, pardon. Par contre, utilisez toutes vos boîtes de conserve de pois chiches en restant confiné, ça vous aide à ne pas attraper le coronavirus. Voilà. Ça rend heureux et ça fait du déconfinement. Voilà, ça permet de s'évader du confinement. Je confirme. Et nous avons une citation aussi. Je pense que c'est Eléa qui va lire la citation, étant donné que c'est en lien avec sa chronique. Pourquoi t'as recopié ça? Je peux la lire, mais c'est un peu nul. Alors, en fait, d'habitude, on a une citation, et du coup, j'ai cherché citation pois chiche, hein, premier réflexe sur Google quand on n'a pas d'inspiration. Et le seul truc que j'ai trouvé comme citation, c'est « Il suffit de regarder les hommes pour savoir que les chats, les chiens et même pois chiches ont plus de cervelle et plus de cœur. » Voilà, apparemment, c'est une citation qui vient de « Un long dimanche de fiançailles » de Jean-Baptiste Rossi, dit Sébastien Japrisot. Voilà, ça n'a aucun sens, aucune moralité. Regardez Un long dimanche de fiançailles. Et c'est un long film. Voilà, je crois, c'est un conseil Netflix. Voilà, c'est pas mal pour le confinement. Conseil confinement. Et si le nom parfait. Un long dimanche de confinement. Ok. Tu as fait quoi? Ouais, vas-y, Pierre. T'inquiète. Ok. Maintenant, on peut venir au quiz du moment, étant donné que le quiz actuel est terminé. Donc, on vous propose un nouveau quiz qui nous a été proposé par Christophe, qui est en Suisse, et qui nous a proposé ça par mail. La force d'un muscle est proportionnelle à son volume, info ou intox. Alors, comme toujours pour les quiz, en parallèle de nos recherches, et des recherches d'Eléa surtout d'ailleurs, on attend vos réponses avec impatience par mail, Twitter, Facebook, signaux de fumée, ce que vous préférez en fait, que nous compilerons lors d'une prochaine émission Roue Libre dans quelques semaines. Alors Eléa, tu as quelque chose à dire là-dessus? J'ai quelque chose à dire là-dessus. Pas vraiment. Ok, donc voilà, donc prochain quiz, voilà, envoyez... Si, j'ai quand même quelque chose à dire. envoyez-nous des réponses, comme ça je mets moins de temps à écrire ma chronique. Voilà, envoyez des réponses à Léa. C'est-à-dire que là, il faut mesurer le volume musculaire qu'on a pendant le confinement, et un mois après, à la sortie du confinement, on vérifie, et comme tout le monde va faire énormément de pompes, surtout Joanne, et ben on va pouvoir comparer justement à volume doublé, voire triplé. Voilà, tu sais que tu passes sur Twitch, hein, Joanne. Oui, je sais, c'est pour ça. C'est... Et puis en fait, on peut même si aussi comparer voyait, les différents types de muscles, finalement. On pouvait avoir un groupe. Ah oui, chacun, on peut... Jambes, les bras, enfin voilà, on peut faire ça de façon totalement scientifique. Donc, étonnez-nous, voilà. On attend vos expériences, vos vidéos, tout ce que vous voudrez, voilà. On vous attend. Et bien l'émission arrive à son terme, donc j'espère que on espère tous que ça vous a plu. Et dites-nous ce que vous en avez pensé, notamment des nouvelles chroniques et des nouvelles propositions sur les réseaux sociaux, par mail. On est toujours heureux de recevoir de vos nouvelles. Et en attendant, que Service à la Science soit votre joie.